إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 3 dans la lecture du tafsir de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen. Et c'est un volume de tafsir qui comprend l'explication des sourates de Sourate al-Hujurat jusqu'à Sourate al-Hadid. Sourate al-Hujurat jusqu'à Sourate al-Hadid. Et donc, Inch'Allah, on avance. On est au cours numéro 3, comme je disais. Et les deux derniers jours, j'ai pas pu faire le dars. Donc, ça a été annulé. Mais, Inch'Allah, on va se reprendre, Inch'Allah, durant la semaine prochaine. Donc, on va commencer à partir de l'endroit où on a laissé au dernier cours, c'est-à-dire le verset numéro 3. Le verset numéro 3, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Ce qui signifie ceux auprès du messager d'Allah, ou ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix, sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une récompense énorme. Maintenant, on va lire l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan, de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, au sujet de ce verset. الشيخ الذي ثم أثنى الله تعالى على الذين يغضون أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لما نهى عن رفع الصوت فوق صوته وعن الجهر وعن الجهر بالقول وعن الجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض، أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي يخفضونها ويتكلمون بأدب، فلا إزعاج ولا صخب ولا رفع صوت، ولكن يتكلمون بأدب وغض. وقال تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أعاد الإشارة أولئك تعظيما لشأنهم ورفعة لمنزلتهم، لأن أولئك من أسماء الإشارة الدالة على البعد، وذلك لعلو منزلتهم، فأتى باسم الإشارة بيانا لِرَفْعَةِ مَنْزِلَتِهِمْ وَعُلُوِّهَا. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de ceux qui baissent leur voix en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que ceux qui baissent leur voix en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Et donc, étant donné que, qu'est-ce qu'on a mentionné à propos du verset précédent, au sujet de ceux qui élèvent leur voix au-dessus de la voix du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et on a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit aux croyants d'élever leur voix au-dessus de celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on voit que, ici, c'est l'éloge de ceux qui baissent leur voix. Donc ceux qui élèvent leur voix et qui s'appellent à haute voix de la même manière que on le fait les uns avec les autres, ceux-là ont été blâmés et Allah a interdit de faire ça. Maintenant il fait l'éloge de ceux qui baissent leur voix en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui baissent la voix, c'est-à-dire ils parlent avec respect, avec une bonne manière. Et il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas de cri ou d'élèvement de voix. Il parle avec des bonnes manières et avec un ton de voix modeste. وقال تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ensuite, il dit أولئك, c'est-à-dire ceux-là. Et en arabe, أولئك, c'est, ça fait partie de Asma al-Ishara, les pronoms ou les noms qu'on utilise comme pour démontrer ou démonstratif. Et yani c'est pour en général montrer ou indiquer quelque chose qui est à une distance ou quelque chose qui est loin. Et le Cheikh explique que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala utilise un de ces pronoms démonstratifs pour qu'est-ce qui est loin, c'est un signe de respect pour cette catégorie de personnes et pour montrer leur degré ou leur niveau élevé, et le degré élevé qu'ils ont. Et donc il parle d'eux en disant Oulaika, et ça c'est pour indiquer l'élévation qu'ils ont dans leur degré et pour montrer comment ils sont dans un statut haut par rapport aux autres. امتحن الله قلوبهم للتقوى قال العلماء معناها اخلصها للتقوى اخلصها للتقوى فكانت قلوبهم مملوءه بالتقوى بتقوى الله عز وجل ولهذا تادبوا باداب الله تادبوا باداب الله تعالى التي وجه لها التي وجه لها يعني فغضوا أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر عن ثوابهم لهم مغفرة وأجر عظيم يعني مغفرة من الله لذنوبهم وأجر عظيم على أعمالهم الصالحة. أي نعم. Donc le Cheikh explique, il dit que ceux, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit ceux-là sont ceux que, c'est-à-dire sont ceux que Allah a éprouvé leur cœur pour la piété, ou Allah a éprouvé leur cœur pour la piété, il dit que ça signifie, que les ulama ont dit que ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala a purifié leur cœur par la piété, ou bien pour la piété. Allah subhanahu wa ta'ala a purifié leur cœur par la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est-à-dire que leur cœur est rempli de piété envers Allah. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont adopté des bonnes manières envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait preuve de bonnes manières et ils ont adopté les manières que Allah subhanahu wa ta'ala leur a enjoint. Et donc ils ont baissé la voix en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a mentionné ensuite la récompense qu'il leur a promis hein, du fait qu'ils ont fait preuve de cette piété-là, et il leur dit, ah, pour eux, il y aura un pardon et une récompense énorme. Donc, un pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs péchés, et une grande récompense pour leurs bonnes œuvres, les bonnes œuvres qu'ils ont faites. Il dit ensuite, وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الصَّلَاحَ صَلَاحُ الْقَلْبِ أَنَّ الصَّلَاحَ صَلَاحُ الْقَلْبِ لقوله امتحن الله قلوبهم للتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح التقوى ها هنا وأشار إلى صدره الذي هو محل القلب ثلاثا التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ولا شك أن التقوى تقوى القلب أما تقوى الجوارح وهي إصلاح ظاهر العمل فهذا يبقى أو فهذا يقع حتى من المنافقين فحتى يقع فهذا يقع حتى من المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que dans ce verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, hein, que Allah a éprouvé leur cœur par la foi, c'est-à-dire que Allah a purifié leur cœur, a éprouvé leur cœur pour la piété, donc ça veut dire qu'il a, hein, purifié leur cœur pour la piété. Et il dit que ça c'est pour indiquer que le vrai bien et la vraie réforme, c'est la réforme du cœur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith authentique, At-taqwa ha-huna. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait et tout d'un coup il a pointé vers son cœur, sur sa poitrine, et il a dit, la piété c'est ici, la piété c'est ici, la piété c'est ici. En voulant dire son cœur. Et il l'a répété trois fois. Et il n'y a donc pas de doute que la piété, c'est la piété du cœur. Il dit, en ce qui concerne la piété du corps, hein, eh bien, ce sont les actes qui sont bonnes en apparence, les bonnes œuvres qu'on fait. Mais le cheikh explique que ça peut arriver même de la part des hypocrites. C'est-à-dire que de faire des bonnes œuvres en apparence avec le corps, hein, les œuvres extérieures, il dit ça, c'est quelque chose, même les hypocrites, al-munafiqoun, ils peuvent faire des bonnes œuvres en apparence avec leur corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement dans le Coran, il dit, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ. C'est-à-dire, si tu les vois, leur apparence physique te plaît. Hein, c'est des gens qui sont d'une belle apparence. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Et lorsqu'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Donc c'est pour dire qu'ils parlent bien. C'est des gens qui ont une belle apparence et qui parlent bien. Mais ce sont des hypocrites. Hein? وَلَكِنَ الْكَلَامُ عَلَى تَقْوَى الْقَلْبِ الَّتِي هِيَ الصَّلَاحِ الَّتِي هِيَ بِهَا الصَّلَاحِ. نَسَرُ اللَّهَ تَعَلَىٰ أَنْ يَرْزُقَنَا ذَلِكَ. Donc le cheikh il dit, donc nous on parle de la piété du cœur, c'est par cette piété du cœur qu'il y a du bien et qu'il y a une réforme. Et le cheikh il dit ensuite, نعم, il dit ولكن الكلام على تقوى القلب التي هي بها الصلاح نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك. Hein, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne cette piété du cœur. Il dit wa ba'd an-nas yaf'alu al-ma'asi ka isbal al-thawb mathalan aw halq al-lihya aw sharb al-dukhan wa tanhahu wa tukhawwifahu min 'iqab Allah fa yaqulu at-taqwa ha huna ka'annahu yuzakki nafsahu wa huwa qa'imun bi ma'siyati Allah فنقول له بكل سهولة لو أن ما ها هنا متقيا لكانت الجوارح متقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ها؟ Il a dit « Allah wahi al-qalb ». Donc le cheikh, il explique ici, il dit que yani, certains parmi les gens, ils font des péchés. Yani, certains hommes, certaines femmes, ils font des péchés. Et ils font par exemple certains péchés qui sont très répandus. Des péchés qu'on retrouve et qui sont pratiqués par beaucoup de gens, malheureusement. Et parfois, yani, c'est des choses qui sont répandues et propagées, donc c'est des choses que les gens connaissent. C'est-à-dire, les gens savent que ces choses-là sont haram, mais ils les font quand même. Et le cheikh, il donne des exemples. Il dit, par exemple, ils font al-isbal, isbal al-thawb. Isbal al-thawb, ça veut dire quoi? Isbal al-thawb, ça veut dire tu laisses descendre tes vêtements. Tu les laisses descendre et tu les laisses dépasser la cheville. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on porte un vêtement qui dépasse la cheville pour les hommes. Il a dit ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar. Hein? Qu'est-ce qui est plus bas que les chevilles, c'est dans l'enfer, ce sera dans le feu. Naam. Et il mentionne d'autres exemples également. Donc parfois tu rentres dans certaines mosquées, Allah musta'an, tu regardes les pantalons, le bas des pantalons des gens ou le bas des qamis, et ils sont tous yani, en bas de la cheville. Donc ça, c'est pas correct du tout. Hein? Il faut que les pantalons soient au-dessus de la cheville, et ça, c'est le minimum. Donc, ça, c'est un exemple de péché que les gens font. Un autre exemple, c'est le fait de raser la barbe. Ça aussi, c'est une chose qui est répandue chez les musulmans, et on entend, ou plutôt on voit des gens qui se rasent la barbe, et on entend des gens qui prétendent même que de la raser, c'est pas un péché, ou que c'est halal, ou que c'est permis. Alors que c'est clair que raser la barbe, c'est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de raser la barbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « U'fou anil liha » C'est-à-dire, laissez pousser la barbe et coupez la moustache. Aujourd'hui, ben, on retrouve le contraire, malheureusement, chez les gens. La mode, hein, en particulier chez les Arabes et dans les pays arabes, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font le contraire de l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, yani, laissez pousser la barbe et couper la moustache, eux, ils laissent pousser la moustache et ils coupent la barbe. Hein, ou ils rasent la barbe. Allah musta'an. Et ça, c'est haram. C'est haram de raser la barbe. Un autre péché, par exemple, un autre péché que les gens font aussi, qui est très propagé, c'est la cigarette. Yani, fumer la cigarette, ça c'est également haram. Et c'est quelque chose qui est propagé. Hein, qu'on retrouve, yani, c'est répandu, Allah musta'an. Et maintenant, il y a une génération qui est sortie de jeunes qui ont pris cette mauvaise habitude-là aussi. Des étudiants, ou bien des jeunes qui traînent dans la rue parfois, hein, dans les sorties de métro, ou bien dans les endroits comme ça où ils se rassemblent. Et tu les vois devant les immeubles, et puis hein, ils vont fumer la cigarette. Quand ils ont une pause, ils vont, hein, avec les koufars, ils vont prendre leur cigarette. A'ouzou billah, a'ouzou billah. Et la façon comment il fume comme si c'était bon pour la santé. C'est-à-dire, avec l'intensité avec laquelle ils fument leurs cigarettes, on dirait que c'est tellement intense qu'on dirait qu'il y a des vitamines là-dedans. Allah al-Musta'an. Alors qu'ils savent très bien que c'est quelque chose qui est mauvais pour la santé et qui cause plein de maladies graves. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ hein? Ne faites pas vos mains d'être la source de votre perte ou de vous amener à votre perte à cause de vos deux mains, c'est-à-dire vous êtes la cause de votre propre perte à cause de vos deux mains. Et d'acheter de la cigarette, ça fait partie de ça, sans compter que c'est du gaspillage d'argent aussi. Il y a aussi hein, donc par rapport à ça, il y a une autre chose maintenant qui est à la mode, que les jeunes font, Allah musta'an, et même ils ouvrent même des endroits où ils se réunissent pour faire ça en groupe, hein. C'est qu'est-ce qu'ils appellent chicha. Chicha, hein, le truc avec de l'eau, puis ils mettent un charbon en haut, puis hein, il y a un tube pour aspirer la fumée avec ça. Donc ils fument ça, Allah musta'an. Et certains pensent que c'est mieux que la cigarette, alors que c'est aussi nuisible que la cigarette, et même pire parfois. Donc chicha, c'est haram, hein, c'est haram. Et ils mettent de la saveur dedans avec des saveurs de fruits ou je sais pas quoi d'autre encore. Allah musta'an. Encore ça aussi, il n'y a pas de vitamine là-dedans. Il n'y a rien de bénéfique pour la santé là-dedans. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de calories, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de nutriments, il n'y a rien de bon pour la santé, il n'y a rien, zéro. Et au contraire, il n'y a que du mal dedans. Il n'y a que des choses nuisibles pour la santé, des choses qui détruisent ta santé. Et non seulement ça, mais Allah al-Musta'an, les compagnies de tabac, hein, qui font des profits, des millions, des milliards de profits par année, eh ben, ils écrivent même sur le paquet maintenant que ça peut causer la mort, que ça peut causer le cancer, que ça peut faire plein de problèmes, et les gens continuent à fumer comme si rien n'était. C'est pour montrer l'inconscience des gens et la passion. C'est ça la passion qui est aveugle. Il y a aussi un autre truc qui est apparu dernièrement, et c'est les petites comme cigarettes électriques, hein? Ils appellent ça, je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est comme des genres de petits bâtons là avec des fumées, puis ils vendent des capsules pour mettre à l'intérieur avec différentes odeurs, différentes saveurs, et il y a même de la nicotine que tu peux rajouter là-dedans. Donc tout ça aussi, ça rentre dans les choses qui ne sont pas permises. Et c'est pour imiter hein, la vraie cigarette. Il y en a qui disent que c'est une alternative à la cigarette. Allah al-Musta'an. C'est une autre fitna. Et donc c'est ça, c'est du gaspillage aussi, gaspillage d'argent. Pourquoi tu vas acheter ça, hein, pour fumer de l'air, pour fumer tu prends ton argent, puis tu achètes quelque chose avec qui te donne rien en retour, rien de bon pour la santé en retour, et qui te cause des maladies, des problèmes de santé, et à la fin tu te retrouves hein, avec moins d'argent. Donc c'est comme si tu prenais ton argent puis tu le brûlais direct, hein? Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est des exemples de péchés que le cheikh il a mentionné, et en particulier dans le Ramadan. En particulier dans le Ramadan, ça c'est des choses graves. Aussi bon, le cheikh, il y a d'autres péchés que les gens font même qu'on voit souvent puis que le cheikh il a pas mentionné, mais on peut mentionner ça aussi. Les femmes qui sortent sans se voiler correctement. Il y a celles qui sortent sans se voiler du tout, familles musulmanes, c'est-à-dire elles s'habillent comme les femmes qui sortent, qui ne sont pas musulmanes, les femmes juives, chrétiennes, athées, mécréantes, qui ne se voilent pas. Donc il y en a qui sortent comme ça aussi, de la même façon. C'est-à-dire que quand tu les vois dehors, tu ne peux pas savoir si elles sont musulmanes ou non. Parce qu'elles n'ont pas des habits des femmes musulmanes. Et il y a celles qui se voilent, mais qui ne se voilent pas correctement. C'est-à-dire que leur voile, il ne respecte pas les conditions, les 8 conditions de la charia. Et parmi les plus importantes de ces conditions-là, c'est que le vêtement doit être ample, et il doit être opaque, et il doit couvrir le corps au complet, de la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire qu'il ne doit pas laisser paraître aucune des formes du corps de la femme. Donc c'est pas seulement comme certains s'imaginent de cacher la chevelure de la femme. Cacher la chevelure, c'est une des choses qui doit être couverte. Mais il y a également toutes les autres tous les autres atours de la femme qui doivent être couverts également. Donc par rapport au péché dont on vient de parler, que le cheikh a mentionné, c'est très important de comprendre que ces péchés-là, on doit essayer de notre possible, chaque musulman doit faire des efforts pour s'en débarrasser s'il est touché par ce genre de péché. Et c'est des péchés en général, les gens ils continuent à les commettre, même parfois quand ils savent que c'est haram. Et c'est des mauvaises habitudes. Pourquoi? Parce que c'est des mauvaises habitudes qu'ils ont pris. Par exemple, les femmes qui ne portent pas le hijab, souvent elles ont pris la mauvaise habitude de ne pas se voiler. Soit parce que dans leur famille, les femmes ne se voilent pas. Alors elles continuent à ne pas se voiler. Donc c'est des mauvaises habitudes qui sont héritées parfois de génération en génération jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala guide une des personnes de cette famille à revenir à l'obéissance et à la pratique de l'islam, et donc là les gens commencent à le faire. De même que la barbe, c'est la même chose, et l'isbal, la même chose, de laisser dépasser les vêtements en bas de la cheville. Donc tout ça c'est des choses, les gens, même des gens qui pratiquent l'islam, parfois ils font ces péchés là c'est à dire même les gens qui vont à la prière, qui font les 5 prières par jour et qui vont à la mosquée, eh bien, ils se rasent la barbe, ils laissent les pantalons en bas de la cheville, et des choses de ce genre, ils fument. Donc imaginez ceux qui ne viennent pas à la mosquée, ou ceux qui ne prient pas. Eh bien, on retrouve ces péchés-là encore plus chez eux. Donc la raison pourquoi on mentionne ça, c'est, le cheikh il dit, il y a des gens, quand tu leur mentionnes, par exemple, de cesser de faire ces péchés-là, et tu lui mentionnes le châtiment d'Allah, eh bien, eux, ils répondent en disant, c'est-à-dire ils disent la piété c'est dans le cœur, et la foi c'est dans le cœur, en voulant dire que même si tu me vois en train de désobéir à Allah puis faire ces péchés là mais j'ai quand même dans mon cœur une foi, une foi complète, une grande foi. Et le cheikh il dit c'est comme s'ils sont en train de se purifier eux-mêmes et de se faire des éloges à eux-mêmes, et alors qu'ils sont sur des péchés. Et ils sont sur des péchés persistants. Ils sont établis sur des péchés et ils n'en reviennent pas. Et donc, le cheikh, il dit, comme c'est facile pour eux de dire ce genre de paroles, que la foi c'est dans le cœur, ou bien que la piété c'est dans le cœur. Mais, on peut leur dire à ces gens-là, en toute facilité, en toute aisance, que si c'est des gens qui sont vraiment croyants, et qu'ils ont vraiment de la piété, eh bien, s'ils en avaient vraiment, leur corps également manifesterait cette piété-là, et manifesterait cette foi-là. Donc, s'ils ont la foi, ils vont mettre cette foi-là en application. S'ils ont cette piété dans le cœur, ils vont mettre cette piété et cette foi en application, en obéissant aux ordres d'Allah, et en obéissant aux ordres du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. C'est-à-dire qu'il y a une pièce, hein, il y a un morceau dans le corps. Lorsqu'il est bon ce morceau, le reste du corps est bon. Et lorsqu'il est mauvais ce morceau, le reste du corps est mauvais et corrompu. Et c'est quoi? C'est le cœur. Donc si quelqu'un prétend que son cœur est bon, alors qu'il ne fait pas les bonnes œuvres, et il n'obéit pas à Allah, ou bien il commet des grands péchés, comme ce qu'on a mentionné, eh bien c'est la preuve que son cœur il n'est pas bon, même s'il prétend qu'il a la foi dans le cœur, mais ses actions le contredisent, et ses actions prouvent le contraire. Ensuite, le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. C'est-à-dire, ceux qui t'appellent de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Le cheikh, il dit, هَذِهِ الْآيَةِ تُشِيرُ إِلَىٰ قَوْمٍ أَتَوْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وكان معهم قوم جفاة لا يقدرون الأمور قدرها فجعلوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته أي حجرات نسائه ويرفعون أصواتهم بذلك يريدون أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. Donc le cheikh il dit que le verset il fait allusion à des gens qui étaient venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et avec eux il y avait je crois des bédouins ou des gens qui avaient des manières rudes, des mauvaises manières. Et ils n'estimaient pas les choses à leur juste importance et à leur juste valeur. Et donc, ils se sont mis à crier pour appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam de par derrière les appartements. Les appartements du messager et de ses épouses. Alors, il l'appelait comme ça. Il l'appelait à haute voix, alors qu'il était chez lui, dans les appartements. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que ceux qui agissaient de cette façon-là, ils ne devaient pas agir ainsi. Et que ça, c'était des mauvaises manières. Donc, il voulait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne les rejoindre ou sorte. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, يقول تعالى في هؤلاء أكثرهم لا يعقلون. يعني ليس عندهم عقل. والمراد بالعقل هنا عقل الرشد. لأن العقل عقلان. عقل رشد وعقل تكليف. فأما عقل الرشد فضده السفه، وأما عقل التكليف فضده الجنون. فمثلا إذا قلنا يشترط لصحة الوضوء أن يكون المتوضئ عاقلا مميزا، فالمراد بالعقل ها هنا عقل التكليف. وإذا قلنا يشترط للتصرف في المال أن يكون المتصرف عاقلا، أي عقل رشد يحسن التصرف. فالمراد بقوله تعالى أكثرهم لا يعقلون أي عقل رشد، لأنهم لو كانوا لا يعقلون عقل تكليف لم يكن عليهم لوم ولا ذم، لأن المجنون فاقد العقل لا يلحقه لوم ولا ذم، وهذا واضح، لأن المجنون فاقد العقل لا يلحقه لوم ولا ذم. وقوله تعالى أكثرهم لا يعقلون فهم منه يفهم منه أن بعضهم يعقل وأنه لم يحصل منه رفع صوت بل هو متأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولو أنهم صبروا حتى يخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم من بيتك وتكلمهم بما يريدون لكان خيرا لهم في أنهم يلتزمون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاجتهم ستقضى. Donc le cheikh il dit, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de cela que la plupart d'entre eux ne raisonnent pas, c'est-à-dire ils n'ont pas de aql, ils n'ont pas de raison, dans le sens que c'est des gens qui sont faibles d'esprit. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Donc c'est des gens qui sont faibles d'esprit et ça ne veut pas dire que ce sont des fous, des gens qui ont perdu la raison complètement. Et donc c'est ça que le cheikh explique, il dit en réalité quand on dit l'aql, ça peut vouloir dire deux différentes formes de aql. Il y a l'aql, la raison, dans le sens de qu'est-ce qu'il veut dire, de savoir agir correctement et d'être bien orienté. Et l'aql qui est aql taklif, c'est-à-dire la raison qui fait que quelqu'un est responsable de ses actes, c'est lorsque quelqu'un a une conscience, il a sa raison. Donc ces deux formes de raison là sont des formes différentes et elles n'ont pas le même verdict. Donc il dit le cheikh par exemple, aql taklif, le contraire de aql taklif, c'est quoi? C'est la folie. Lorsque quelqu'un, par exemple, a perdu la raison. Et donc, on va dire comme exemple que parmi les conditions de la salat ou du wudu, c'est que la personne qui l'a fait soit aqilan mumayyizan. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit une personne qui a sa raison et qui distingue entre les choses, qui comprend. Et donc ça, c'est cette forme de raison qu'on appelle aql taklif. Non. Donc, comme on a expliqué, aql taklif, le contraire, c'est la folie. Maintenant, il dit, il y a une autre forme de aql qu'on appelle aql rushdin. C'est comme par exemple pour que quelqu'un puisse gérer de l'argent, on dit qu'il faut qu'il ait aql rushdin, c'est-à-dire qu'il soit en mesure de savoir comment gérer de l'argent, comment utiliser son argent. Si tu lui donnes de l'argent, il va savoir quoi acheter avec et comment l'utiliser. Il ne va pas le gaspiller, il ne va pas faire des bêtises avec. Donc c'est quelqu'un qui a sa raison dans le sens qu'il comprend. Il est bien orienté, il est droit. Donc c'est ça, ar-rushd. Tandis que l'autre c'est aql taklif. Ça c'est là d'avoir sa tête, c'est-à-dire d'être responsable de nos œuvres et de nos actes. Pas qu'on a perdu complètement la raison. Non, celui qui a perdu complètement sa raison, ça c'est aql taklif. Donc le cheikh il dit ici que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces gens-là qui appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de derrière les appartements, quand il dit que la plupart d'entre eux ne réfléchissent pas ou ne raisonnent pas, il ne veut pas dire qu'ils ont perdu complètement la tête ou qu'ils sont devenus fous, mais il veut dire que ce sont des gens qui font preuve de faiblesse d'esprit lorsqu'ils agissent comme ça. Et il dit pourquoi? Parce qu'ils agissent d'une manière qui est irréfléchie, qui est pas, qui fait pas partie de la bonne manière ou de l'attitude des gens qui sont hein, droit ou bien, bien, bien orienté. Parce que si, ça voulait dire aql al-taklif, hein, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne les aurait pas blâmés. Hein, puisque la personne qui est folle, hein, ou qui a perdu sa raison complètement, eh bien, cette personne-là, elle n'est pas blâmée dans la charia. Hein, il y a des hadiths à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que la personne qui a perdu sa raison, la plume, elle est soulevée pour lui. Elle est soulevée. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable de ses œuvres. Donc, si c'était ça la signification du verset ici, que la plupart d'entre eux ne raisonnent pas, eh bien, dans ce cas-là, il ne les aurait pas blâmés. Mais on parle de Aql Rushdin. Et il dit que dans le verset, on peut également comprendre que ce n'est pas tous ceux qui étaient venus pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avaient fait preuve de faiblesse d'esprit de cette façon. Puisque Allah dit « Aktharuhum ». Et « Aktharuhum », ça veut dire « la plupart d'entre eux ». Hein, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Donc ça veut dire que ce n'était pas tous ceux qui étaient là qui avaient agi sans faire preuve de bonne manière, mais il y avait parmi eux certains qui avaient bien agi, qui n'avaient pas élevé la voix et qui avaient fait preuve de bonne manière et de respect envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le verset 5, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. C'est-à-dire, et s'ils patientaient, ou s'ils avaient fait preuve de patience, jusqu'à ce que tu sortes hein, vers eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit ça, c'est-à-dire s'ils avaient patienté jusqu'à ce que tu sortes vers eux, c'est-à-dire yani, s'ils avaient fait preuve de patience jusqu'à ce que tu reviennes et que tu sortes de ta maison pour venir les voir, hein, pour que tu leur parles ou pour que tu règles le problème qu'ils ont, eh bien ça aurait été mieux pour eux. Hein? Donc tu leur parles pour, et tu leur dis, et si, donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils avaient fait preuve de patience et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils avaient attendu jusqu'à ce qu'ils sortent pour leur parler, qu'ils auraient gardé les bonnes manières jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne régler hein, la situation, ça aurait été mieux pour eux. Et le rasoul sallallahu alayhi wa sallam لم يأته أحد في حاجة إلا قضاها وإذا كان يدركها وهو أحق الناس بقول الشاعر ما قال لا قط إلا في تشهده ولولا التشهد لكانت لاؤه لولا التشهد كانت لاؤه نعم. Donc le cheikh lui il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait, quand quelqu'un venait lui présenter un problème ou lui demander quelque chose, il réglait toujours le problème de cette personne. C'est-à-dire, il ne laissait jamais une personne sans répondre à son besoin. Donc, s'il était capable, il le faisait. Et donc, il est la personne qui mérite le plus. Qu'est-ce que le poète a dit à ce sujet-là? Et il mentionne la parole du poète pour dire que il ne disait jamais non. Hein, et même son non était un oui. Donc, c'est-à-dire en voulant dire qu'il refusait jamais personne. Et il dit Wallahu Ghafurur Rahim. À la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu Ghafurur Rahim. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Et là, le cheikh, il va expliquer certaines choses qui ont rapport avec ces noms-là qui sont à la fin de ce verset, et nous on va l'expliquer inshallah demain bi'idhnillah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.